Chapitre 2. Ce jour-là, un samedi, le froid était si vif que les collégiens ne se rendirent pas en classe et que les courses furent remises à une autre date, de peur que les chevaux ne tombassent malades. Lorsque Natalie Vladimirovna sortit de l'asile des femmes en couche, elle se sentit contente que le soir fût déjà là et qu'il n'y eût personne sur le quai. On ne la rencontrerait pas, elle, une jeune fille, avec un enfant de 6 jours sur les bras. Elle avait craint que dès qu'elle franchirait le seuil, une foule entière l'accueillît avec des cris et des coups de sifflet, et que dans cette foule se trouvât son père, Kakoshim, paralysé et presque aveugle, les étudiants, les officiers et les demoiselles de sa connaissance, et que tous la montrassent du doigt en disant « Voilà la jeune fille qui a suivi les 6 classes du gymnase. Elle avait pour amis des étudiants intelligents et de bonne famille. Elle rougissait toutes les fois qu'on prononçait devant elle une parole déplacée. Et elle a accouché, il y a 6 jours, dans un asile, côte à côte avec d'autres femmes tombées. » Mais le quai était désert. Le vent glacé soufflait à son aise, soulevant un gris tourbillon de neige que le froid avait réduit en une poussière corrosive, et enveloppait tout ce qu'il rencontrait de mort ou de vivant sur sa route. Avec un sifflement léger, il s'enroulait autour des grilles qui brillaient comme si on les avait polies et semblaient si froides et si solitaires qu'il était douloureux de les regarder. Et la jeune fille, elle aussi, avait l'impression d'être glacée et comme déracinée du monde extérieur. Elle avait une petite jaquette courte, celle qu'elle mettait généralement pour aller patiner et qu'elle avait enfilée à la hâte en quittant la maison lorsqu'elle avait ressenti les premières douleurs de l'enfantement. La rafale la transperça, plaquant sa robe mince sur ses jambes et lui glaçant le visage. Elle eut peur de geler et la crainte de la foule disparut. Le monde lui apparut comme un désert morne et immense où il n'y a ni êtres humains, ni lumière, ni chaleur. 2 petites larmes brûlantes lui vinrent aux yeux et se refroidirent rapidement. Inclinant la tête, elle les essuya au paquet informe qui encombrait ses bras et marcha plus vite. Maintenant, elle n'aimait plus l'enfant, ni elle-même, et leur vie à tous deux lui semblait inutile. Cependant, elle était obstinément poussée en avant par une pensée qui paraissait ne pas venir de son cerveau, mais se tenir devant elle et l'attirer en disant « Rue Nemtchinovski, la seconde maison après le coin. Rue Nemtchinovski, la seconde maison après le coin. » Elle avait répété ces mots pendant 6 jours, alors qu'elle était au lit et qu'elle nourrissait l'enfant. Il signifiait qu'il fallait aller à la rue Nemtchinovski, où demeurait sa sœur de lait, une prostituée, car chez celle-ci seulement, et nulle part ailleurs, elle pouvait trouver un refuge pour elle et son enfant. L'année précédente, alors que la jeune fille menait une existence exempte de soucis, chantait et riait toujours, elle avait été chez Katia, qui était malade, lui avait donné de l'argent. Et maintenant, c'était la seule personne devant laquelle elle n'éprouvait pas de honte. Rue Nemtchinovski, la seconde maison après le coin. Rue Nemtchinovski, la seconde maison après le coin. Elle allait, et le vent jouait méchamment autour d'elle. Lorsqu'elle arriva sur le pont, il se jeta avec violence contre sa poitrine et enfonça ses griffes d'acier dans ses joues froides. Vaincu, il tomba du pont avec fracas, tourbillonna sur la surface neigeuse et unie de la rivière et s'élança de nouveau en l'air, barrant la route de ses ailes glacées et mouvantes. Natalie Vladimirovna s'arrêta et désespérée s'appuya au parapet. Tout en bas, une petite flaque d'eau qui n'était pas gelée la considérait comme un œil noir et terne, très profond, et ce regard était énigmatique et terrible. À ses oreilles, les mêmes paroles retentissaient toujours. Elle appelait avec insistance. Rue Nemtchinovski, la seconde maison après le coin. Rue Nemtchinovski, la seconde maison après le coin. Après s'être habillé, Kijnakov s'était remis au lit où il s'enveloppa jusqu'aux yeux d'un paletot ouaté, l'une des dernières nippes qui lui restassent. Il faisait froid dans la chambre et des couches de glace se formaient dans les coins humides. mais il respirait dans le col fourré de peau de mouton, ce qui lui procurait une sensation de chaleur agréable. Pendant toute la journée, il s'était leurré lui-même, en se disant qu'il irait chercher du travail le lendemain ou mendier quelques secours. Et en attendant, plongé dans une sorte de béatitude, il ne pensait à rien et frissonnait lorsqu'une voix s'élevait derrière le mur ou que la porte se fermait avec vigueur. Longtemps il était resté ainsi, tranquille. Lorsqu'on cogna timidement à la porte d'entrée, à coups inégaux, pressés et brefs, comme s'il en frappait avec le dessus de la main. Sa chambre était la plus proche de l'entrée, et en détournant la tête, il distinguait très bien ce qui se passait dans le couloir. Matrena s'avança, la porte s'ouvrit et se referma sur quelqu'un qui venait d'entrer. Puis un silence régna. « Qui demandez-vous ? » interrogea la voix enrouée et hostile de Matrena. Et une voix inconnue, douce et brisée, répondit. « Je voudrais voir Katia Netchaïeva. Elle demeure bien ici, Katia Netchaïeva, n'est-ce pas ?» Elle a demeuré ici. Pourquoi désirez-vous la voir? J'ai absolument besoin de la voir. Elle n'est pas à la maison. Un effroi perça dans la voix. Katia est morte. Morte, vous dis-je, à l'hôpital. De nouveau régna un long silence, si long que Kijnakov en ressentit une douleur dans la nuque, car il n'osait tourner la tête avant que la conversation reprît. Alors la voix inconnue dit, très bas, d'un ton dénué d'expression. « Adieu !» Mais évidemment, la nouvelle venue n'était pas partie, car un instant après, Matrena demanda. « Qu'avez-vous là? Vous apportiez quelque chose à Katia ?» Quelque chose en effet tomba sur le plancher, frôlant les genoux de la logeuse, et la voix inconnue prononça, très vite, pleine de sanglots contenus. « Prenez, prenez, au nom de Dieu, prenez. Et moi, je m'en vais. » Mais qu'est-ce que cela ? Puis, de nouveau, se fit un long silence, coupé par un faible bruit de sanglots saccadés et désespérés, qui parlait d'une mortelle lassitude, d'une douleur inconsolable. Il semblait qu'une main exténuée touchait sans force une corde très tendue, que cette corde était la dernière d'un instrument précieux, et que lorsqu'elle serait brisée, le son délicat et triste s'éteindrait pour toujours. Mais vous l'avez presque étouffé ! S'écria Matrena avec colère et d'un ton grossier. « Et ça se mêle d'avoir des enfants. Est-ce possible de faire des choses pareilles, d'en mitoufler à ce point un enfant? Venez avec moi. Allons, allons. C'est bon. Allons, vous dis-je. Est-il possible d'être aussi maladroite ?» Cette fois-là, le silence se prolongea près de la porte. Kijnakov prêta encore un peu l'oreille et se recoucha, heureux de ce qu'on ne fût pas venu chez lui pour le chercher, et n'essayant pas de deviner ce qu'il y avait d'incompréhensible pour lui dans ce qui venait de se passer. Il commençait déjà à sentir l'approche de la nuit, et il eût voulu que quelqu'un montât la lampe. Sa tranquillité d'esprit disparaissait, et il s'efforçait de retenir sa pensée. Dans le passé, il y avait la boue, la chute et la terreur, et une terreur pareille se cachait dans l'avenir. Il se pelotonnait peu à peu, blottissant ses mains et ses pieds sous la couverture, lorsque Dunyasha entra. Elle avait revêtu, pour sortir, une blouse rouge et était légèrement ivre. Elle s'assit sur le lit, sans façon, et s'écria en frappant l'une contre l'autre ses mains courtes. « Ah, mon Dieu !» Puis elle hocha la tête et se mit à rire. « On a apporté un petit enfant. Il est tout petit et hurle comme un agent de police. Ma parole, comme un agent de police !» Elle jura pieusement et donna d'un geste coquet une chiquenaude sur le nez de Kijnakov. « Allons le regarder. Ma parole, qu'y a-t-il là de si difficile? Nous le regarderons et ce sera tout. Matrena a envie de le baigner et d'allumer le samovar. Abraham Petrovitch attise le feu avec une botte. C'est très amusant. Et l'enfant crie « Ouin, ouin !» Dunyasha fit une grimace qu'elle supposait ressembler à celle de l'enfant. Et piailla encore une fois. « Ouin, ouin, comme un agent de police, ma parole. Allons, tu ne veux pas? Eh bien, que le diable t'emporte. Crève dans ta niche, pomme gelée que tu es. » Elle s'en alla en pirouettant. Une demi-heure plus tard, vacillant sur ses jambes débiles et se retenant du doigt aux murailles, Kijnakov indécis entr'ouvrait la porte de la cuisine. « Ferme, tu laisses entrer le froid !» cria Abraham Petrovitch. Kijnakov entra, referma vivement la porte et regarda autour de lui de l'air d'un coupable. Mais personne ne faisait attention à lui et il reprit son sang-froid. Il faisait chaud dans la cuisine à cause du poêle, du samovar et des gens réunis là. Et la vapeur s'élevait en flocons épais et rampait sur les murs froids. Avec une dignité courroucée, Matrena baignait l'enfant dans une auge et de sa main couturée, elle faisait rejaillir l'eau sur lui en disant « Petit, petit, nous allons être tout blancs, tout propres. » Était-ce parce que la cuisine était claire et gaie ou parce que l'eau tiède le caressait? Mais l'enfant se taisait et plissait sa petite figure rouge comme s'il eût voulu éternuer. Par-dessus l'épaule de Matrena, Dunyasha regardait l'auge et saisissant l'instant propice avec trois doigts, elle fit jaillir de l'eau sur l'enfant. « Va-t'en !» s'écria la vieille menaçante. « De quoi te mêles-tu? On n'a pas besoin de toi pour savoir ce qu'il y a à faire. On a eu des enfants. »« C'est juste, ne viens pas embêter les autres, » confirma Abraham Petrovitch. « Un enfant est une chose fragile. Il faut savoir comment s'y prendre. » Il s'assit sur la table et regarda le petit corps rose avec un plaisir condescendant. L'enfant agita ses doigts menus et Dunyasha, pleine d'un enthousiasme sauvage, se mit à secouer la tête et à rire. « C'est un vrai agent de police, ma parole. »« En as-tu déjà vu, un agent de police dans une auge ?» demanda Abraham Petrovitch. Tout le monde se mit à rire et Kijnakov sourit. Mais aussitôt il contint, avec effroi, le sourire qui se dessinait sur ses lèvres et regarda la mère. Très lasse, elle s'était assise sur un banc, la tête rejetée en arrière, et ses yeux noirs, que la maladie et les souffrances avaient rendus immenses, étincelaient d'une lueur calme, tandis que sur les lèvres pâles errait un orgueilleux sourire maternel. Alors Kijnakov rit, tout seul, après les autres, et lui aussi regarda tout autour de lui avec orgueil. Matrena avait sorti le bébé de l'auge et l'enveloppait dans un drap. L'enfant se mit à pousser des cris sonores, mais il se tut bientôt et Matrena, écartant le linge qui l'entourait, dit avec un sourire modeste « Quel corps il a! C'est comme du velours !»« Laisse-moi le toucher !» demanda Dunyasha. « Et quoi encore ?» Dunyasha fut prise d'un tremblement soudain de tout son corps et piétinant, suffoquant d'impatience, d'une envie folle qui l'envahissait, elle s'écria d'une voix perçante que personne ne lui connaissait « Donne, donne, donne !»« Donnez-le-lui !» dit Nathalie Vladimirovna, effrayée. Tout aussi soudainement, Dunyasha se calma et sourit. Elle toucha avec précaution du bout des doigts l'épaule de l'enfant et après elle, avec un clignement d'yeux plein de condescendance, Abraham Petrovitch allongea lui aussi la main vers la petite épaule rosée. C'est vrai, l'enfant est une chose fragile, dit-il, comme pour justifier son geste. Kijnakov s'approcha le dernier de tous. Pendant un instant, ses doigts se trouvèrent en contact avec quelque chose de vivant, de duveté comme du velours, et si délicat et si frêle que ses doigts lui semblèrent devenir étrangers à lui-même et délicats eux aussi. Alors, le cou tendu, le visage inconsciemment illuminé par un sourire de bonheur singulier, le voleur, la prostituée, l'homme solitaire et perdu, restèrent là autour de cette petite vie chétive comme un feu dans la plaine, qui les appelait vaguement pour les mener on ne sait où, promettant quelque chose de beau, de lumineux, d'immortel. Et la mère, heureuse, les regardait avec orgueil, tandis qu'au-dessus du plafond bas, s'étageait la lourde masse de pierre de la maison, dont les chambres spacieuses étaient habitées par des gens riches qui s'ennuyaient. La nuit vint. Elle vint noire et méchante, comme toutes les autres nuits, et l'obscurité s'étendit sur les lointains neigeux, tandis qu'aux arbres, les rameaux nus, ceux qui saluaient les premiers le soleil levant, se figeaient de crainte. Avec la faible lumière des lampes, les gens luttaient contre la nuit puissante et mauvaise, contre la nuit qui saignait les flammes isolées d'un cercle sans issue, remplissait d'ombre les cœurs des hommes et éteignait dans tant d'âmes jusqu'aux faibles étincelles qui couvaient sous la cendre. Kijnakov ne dormait pas. Recroquevillé sur lui-même, ils s'abritaient du froid et de la nuit sous un tas de chiffons mous et pleuraient sans effort, sans douleur et sans convulsion, comme pleurent ceux qui ont le cœur pur et innocent, comme pleurent les enfants. Il pleurait sur lui-même, pelotonné en une masse, et il lui semblait qu'il pleurait en même temps sur l'humanité entière. Et dans ce sentiment, il y avait une joie mystérieuse et profonde. Il voyait l'enfant nouveau-né, et il s'imaginait que c'était lui qui était né à une nouvelle vie, et qui allait vivre longtemps d'une existence magnifique. Il aimait cette nouvelle vie, et il en avait pitié. Alors il ressentit en même temps une telle joie qu'il se mit à rire. Il secoua le tas de guenilles et se demanda « Mais pourquoi est-ce que je pleure ?» Ne trouvant pas d'explication suffisante, il se répondit « C'est ainsi. » Et le sens de ses paroles était si profond qu'une nouvelle ondée de pleurs brûlants monta de la poitrine de l'homme dont la vie était si morne et si solitaire. Mais, à son chevet, la mort avide était déjà assise, sans bruit, et elle attendait, calme, patiente et obstinée.